Tilt sur le chemin de grève, on lit C'est là qui vous crie, chemin de Nirvana, chemin de Nirvana, chemin de Nirvana, chemin de Nirvana. Arrêtez là, vous regardez la mer, vous changez de pays, vous changez d'hémisphère, chemin de Nirvana. On peut lire une flamme dans son regard de pierre, c'est un peu de folie, beaucoup de terre à terre, chemin de Nirvana. Chemin de Nirvana. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On a démarré tout de suite avec l'actualité brûlante du moment, The Musical Box, extrait de leur show The Lamb Lies Down on Broadway. C'est un album, n'est-ce pas Olivier ? Bonsoir Olivier. C'est un album de Genesis sorti en 1974 et donc les Canadiens de The Musical Box seront dans nos murs, c'est-à-dire à Lyon, c'est-à-dire à la salle des 3000. Demain, la salle des 3000, vous savez, cette salle forme d'ovni, de soucoupe volante vers le parc de la Tête d'Or. À ne rater sous aucun prétexte, j'y serai en tout cas pour ma part. À la suite de ça, grand plaisir de retrouver une grande pointure du progressif à la française. Je veux parler d'André Balzer. André Balzer, vous allez me dire, mais ça me dit quelque chose, mais je vois plus trop qui. Eh bien, André Balzer, c'était le chanteur d'Atoll. Il est de retour avec un album solo, son premier, entre l'alpha et l'oméga. Et on a entendu tout de suite Nirvana. Et comme je parle d'Atoll, eh bien, l'enchaînement est facile, mais naturel. Tout de suite, Cerf-Volant, un des morceaux phares de ce groupe de Metz. Un live très très rare de 78 avec un son qui vaut ce qui vaut, puisque c'est un live, c'est un document. Tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock progressif, bien sûr. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'écoute ce morceau et je me demande pourquoi il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Cerf-volant, superbe morceau, superbe parole. André Balzer et Atoll. Donc André Balzer, nouvel album, premier album solo entre l'alpha et l'oméga, sorti chez La Moussea. Et Atoll, un live, un document inédit de 78. André Balzer sera d'ailleurs interviewé dans le prochain Acid Dragon. Delusion Squared, souvenez-vous, ce petit trio bien sympathique et français, les voilà déjà de retour avec un deuxième album qui s'intitule 2, tout simplement Second. Et je vous propose Recipe for Disaster, Delusion Squared. Sent by God. It has to be a Delusion Squared, deuxième album, Second Delusion Squared. On continue avec des Français, décidément. C'est le bouquet français et ça nous fait bien plaisir de voir qu'effectivement il y a du prog français qui bouge. D'ailleurs, ça me permet de vous dire, et on va revenir dessus, dans le dernier Rock Prog, Rock Presents Prog, le magazine Glossy, comme disent nos amis britanniques, le superbe magazine de rock progressif vendu en kiosque outre-Manche, eh bien, il y a un article et une interview sur la Zully. Incroyable, mais vrai. On continue donc notre bonhomme de chemin avec The Airplane, CD français, un album qui s'intitule A Wind of Change. Airplane, tout de suite. Of wind of change, un vent de changement. Très floydien tout ça. Moi j'aime bien, c'est un mini-album, super bien produit. Et c'est Made in France. Voilà, on arrêtera là le clin d'œil. On continue avec des francophones, mais cette fois-ci qui nous viennent outre-Atlantique. Vous avez deviné, ils sont québécois. Je veux parler de The Deep Project et un nouvel opus intitulé Big Face. Et comme je suis chauvin et francophone malgré tout, eh bien je vous propose le seul morceau qui est chanté en français qui s'intitule Poussière de lumière de Deep Project. Tout de suite. En mon amour. The Deep Project, Big Face, nouvel opus de ce guitariste hero du Québec. J'en profite, puisque ainsi se termine la séquence francophone, et notamment française, pour pousser un petit coup de gueule, puisque j'ai vu sur une chaîne de télévision de la TNT, que je nommerai pas, un reportage sur le rock français qui s'intitule « Bleu, blanc, rock », et qui d'ailleurs continue à être diffusé. Une émission très bien faite, sauf qu'il y a des oublis absolument horribles. Une toute petite seconde sur Ange, 20 secondes sur Magma, 20 secondes sur Thiéphène, une petite seconde sur Mancet. Décidément, il y a des grands oublis. Je trouve que c'est une façon un peu désastreuse de refaire l'histoire. Voilà, j'ai poussé mon petit coup de gueule. Et on continue avec un groupe qui a la couleur, le goût de Kansas, et c'est normal puisque c'est une grande partie de la formation américaine qui a créé Native Window. Puisque une partie, le chanteur notamment de Kansas avait envie de poser un peu ses valises, en tout cas dans la carrière du groupe, et bien les autres ont, avec leur accord, l'accord du chanteur, et d'un autre musicien dont le nom m'échappe et vous voudrez bien m'excuser, on dit ben nous on a bien envie de continuer, est-ce que tu nous autorises? Ben oui, banco, pas de souci. Les groupes de prog à l'étranger sont souvent plus solidaires qu'en France, fin de la parenthèse. Et donc les voilà créés en une formation intitulée Native Window. C'est sorti en 2010. On a mis un certain temps vous le passer, mais mieux vaut tard que jamais. Tout de suite, extrait de l'album éponyme Native Window. Time. can't see. Native Window, tout de suite. On continue avec une petite rareté que j'ai eue par correspondance avec un échange d'ailleurs. Un monsieur tout seul, multi-instrumentiste, qui a créé son groupe, qui habite du côté de San Francisco, et c'est son deuxième opus, son deuxième album. Le titre de son projet, c'est Sirius Bay, et le titre de son album, A Step Into Elsewhere. Et je vous propose un large extrait, carrément le morceau phare de cet album, Zenobia. Sirius Bay, tout de suite. N'est-ce pas que c'est pas mal, ça? Cyrus Bey. Je suppose ça doit se prononcer Cyrus Bey. Et donc, deuxième album. Déjà, c'est américain. Ils sont deux. Un monsieur qui fait plein d'instruments. Et une petite dame qui chante tout bien, tout bien. Je crois même qu'ils sont mariés. A Step Into Elsewhere. On va continuer dans les potins. Et donc, je vous touchais deux mots tout à l'heure sur Classic Rock Presents Prog. Alors bon, il y a plein de belles choses dans cet album, comme d'habitude. Notamment, donc, comme je disais, pour nous, Français, Cocorico. Donc, interview sur de nos amis de Lazuli. Également... quelque chose qui laisse pas indifférent, le référendum, cette fois-ci, est l'élection, oui, le vote des lecteurs. Alors, meilleur groupe d'après les lecteurs de Classic Rock Presents Prog, Opeth, à la grande joie de mon ami Olivier qui est juste à côté de moi. Le meilleur chanteur, c'est Michael Ackerfeld, c'est ça, je le prononce bien, yes. Ackerfeld. D'ailleurs, c'est avec un A, avec un petit O, donc normalement, si j'ai bonne mémoire, ça doit se prononcer Michael Ackerfeld. Pour un fait du danois, il y a très très longtemps. Donc, il est le chanteur de... Opeth. Voilà, il y en a qui suit. Meilleur album, l'album de Steve Wilson, on vous en a dit énormément de bien sur cette antenne, Grace for Drowning et pas From Drowning. Best Female Vocalist, meilleure chanteuse, Anne-Marie Helder, c'est la chanteuse de Panic Room. Mandez pas plus, je ne connais point, j'ai honte. Best Guitarist, le meilleur guitare héros, c'est John Petrucci qui joue dans... Dream Theater. Merci. Le meilleur drummer, le meilleur batteur, c'est Gavin Harrison, qui est le batteur de Porcupine Tree. Je sais, vous le saviez, j'ai même pas besoin de le préciser. Le meilleur DVD, c'est le tout dernier DVD de Rush. Rush, The Time Machine, on m'a dit énormément de bien d'ailleurs. Et je tourne la page. Le meilleur bassiste, c'est le bassiste de Rush, c'est-à-dire Geddy Lee. Le meilleur joueur de clavier, c'est Jordan Rhodes, qui est le claviériste de... Dream Theater. C'est bien, merci Olivier. Voilà, on a à peu près tout dit. Les meilleures rééditions, c'est Pink Floyd, Wish You Were Here. Et l'icône prog, l'icône prog, c'est Steven Wilson. Voilà pour ce petit référendum, et je reviendrai tout à l'heure sur, si vous êtes sage, sur le reste de ce numéro de prog. Infinite Orchestra, ils sont américains, ça date de 2007, c'était resté enfoui dans mon placard. Et bon, lorsque j'ai préparé cette émission, j'ai dit tiens, ça je l'ai pas passé, voyons voir. Et j'ai écouté et j'ai trouvé ça fort bien. Dont acte tout de suite, donc extrait de Welcome to Infinity, Infinite Orchestra. paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Docker ! Sol 100.7. séquence nostalgie, vous avez reconnu Renaissance avec Novella, un album de 77. Fallait oser en pleine période punk de sortir un tel chef-d'œuvre. On remonte encore dans le temps avec une petite rareté italienne. Je veux parler de Panafreda. C'est un album unique qui s'intitule Uno. Son nom, ça porte bien son nom. C'est italien et ça date de 71. I'm Ça joue, hein, n'est-ce pas, hein, Jeff Green? Non, non, c'est pas moi qui ai sauté dans la voiture. Encore que ça ne saurait tarder. Jeff Green, Jessica, c'est britannique. Et ça date de 2011. Voilà, vous pouvez écraser une larme émue. L'émission est effectivement terminée. On se retrouve dans un mois, le 26 mars. Ce sera un lundi, comme d'habitude, 20h30, 22h30 sur cette onde 100.7. Et également d'ici là, grâce à l'ami Jean-Louis Delacrousse, que je salue au passage, eh bien, vous retrouverez très très rapidement dans cette semaine en podcast cette émission que vous pourrez écouter et réécouter à loisir. Voilà, la prochaine le 26 mars, et pour les Lyonnais, eh bien ne ratez pas demain The Musical Box, les Canadiens qui reprennent du Genesis époque Peter Gabriel. Cette fois-ci, c'est The Lamb Lies Down on Broadway. Ça a lieu à la salle des 3000 à Lyon, c'est-à-dire cette grande salle en forme d'ovni du côté du parc de la Tête d'Or, et à mon avis, ça va être superbe. Voilà, je vous laisse. Tenez tati, à que la prochaine. Ciao, ciao. Et encore merci à l'ami Olivier. De rien.